بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Heureux de vous retrouver encore une fois dans cette matinée du dimanche 8 octobre 2017 correspondant au 18 Muharram de l'année 1439 de l'Hégire, afin de lire ensemble cette épître de l'imam, revivificateur de la religion de l'islam, dans la deuxième moitié du XIIe siècle, l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde, avec le commentaire de l'éminent savant Muhammad Aman al-Jami, qu'Allah lui fasse miséricorde, ainsi qu'à tous les savants de la Sunna. Et je demande à Allah Azzawajal de nous accorder la sincérité dans les paroles et dans les actes et la conformité à la sunna dans tout ce que nous faisons et également dans tout ce que nous délaissons. Et de nous accorder la bonne compréhension dans la religion. Car comme vous le savez, de la parole de l'imam Malik, ainsi que de beaucoup d'autres salafs, la science, c'est pas avec la quantité de ce que tu mémorises, mais la science, c'est une lumière qu'Allah place dans le cœur de l'homme. La science, en plus de la mémorisation, qui est fondamentale dans la science, sans aucun doute, c'est la bonne compréhension de la religion. Et c'est pour ça que tu peux voir dans ton entourage des gens qui connaissent et qui mémorisent et qui lisent et qui fournissent beaucoup d'efforts dans l'apprentissage, mais qui sont tombés dans des égarements et qui ont suivi des sectes égarées. Toi, avec beaucoup moins de science, tu réalises avec évidence l'égarement de ces sectes et de ces courants qu'ils suivent. Et ça, c'est pas dû à ton intelligence, ni à un mérite que tu as. C'est un pur bienfait d'Allah Azzawajal que tu dois tout d'abord réaliser que tu ne l'as pas eu parce que tu le mérites, et ensuite de ne cesser de remercier Allah Azzawajal sur cette ni'ma et de faire toutes les causes pour la préserver et pour ne pas la perdre. Car les bienfaits d'Allah Azzawajal, c'est pas un acquis à vie. Mais qu'est-ce qui te permet de garder les bienfaits d'Allah Azza wa Jalla sur toi et de les préserver afin que tu les perdes pas? C'est de te montrer reconnaissant vis-à-vis de ces bienfaits. Que tu sois parmi Shakirin. Et comme vous le savez, comme on l'a vu dans le début de cette risala, Ash-Shukr, c'est pas uniquement avec la langue. Ash-Shukr a trois piliers. Et celui qui les réunit, c'est un Shakir, c'est un reconnaissant. Le premier avec le cœur, de savoir que le bienfait provient d'Allah seul. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Et le deuxième, c'est de louer Allah Azza wa Jalla sur ce bienfait, avec la langue, et d'en parler. Ne pas parler des bienfaits d'Allah Azza wa Jalla par orgueil et par ostentation et par fierté, mauvaise fierté, et pour montrer que tu es supérieur aux autres. Non, on parlait pour l'attribuer à Allah Azza wa Jalla. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Et troisièmement, c'est de le mettre en pratique. C'est d'utiliser ce bienfait dans l'obéissance à Allah Azza wa Jalla. Et surtout ne pas l'utiliser dans sa désobéissance. Car ça, c'est le moyen sûr de le perdre. Si on prend un exemple concret, As-Salafiyya, vers laquelle Allah Azza wa Jalla t'a guidé, et pour laquelle Allah Azza wa Jalla a ouvert ta poitrine, tu trouves une acceptation pour Salafiyya, et pour les paroles des savants de Salafiyya. Ça, c'est une ni'ma immense. Comment la remercier? Tout d'abord, savoir que c'était guidé dans Salafiyya, qui est l'islam authentique, l'islam qui était pratiqué par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses nobles compagnons radiallahu anhum tous. T'es guidé parce qu'Allah Azza wa Jalla t'a guidé, tout simplement. Pas parce que t'as un mérite. Non, t'as été guidé parce qu'Allah t'a guidé. Deuxièmement, parler de ce bienfait et remercier Allah sur ce bienfait avec la langue. Et troisièmement, œuvrer pour cette da'wah bénie qui est da'wah salafiyya. Et faire ce que tu as en ta possibilité et ce qui rentre dans tes capacités afin de propager la vérité, propager al-haq, propager la da'wah salafiyya. Chacun selon ses capacités et chacun selon son savoir-faire également. Pour celui qui a la capacité de transmettre la science, il faut qu'il le fasse. Et pour celui qui n'a pas encore cette capacité, il peut le faire en distribuant des livres des hommes de science, des audios des hommes de science, et ainsi de suite. Les voix sont multiples, alhamdulillah. Donc, dans notre lecture de Al-Qawa'id Al-Arba', nous avions fini avec la première règle, l'introduction de cette risala, ensuite la première règle, et aujourd'hui nous allons commencer par la deuxième règle. قال المصنف رحمه الله تعالى القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. قوله تعالى فدليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. La deuxième règle ce qu'ils disent. Nous nous les invoquons et nous nous adressons à eux que pour leur demander de nous rapprocher d'Allah et d'intercéder en notre faveur. Le fait qu'ils leur demandent le rapprochement d'Allah est cité dans le verset, dans le sens approximatif, tandis que ceux qui prennent des protecteurs en dehors de lui disent « Nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. En vérité, Allah jugera parmi eux sur ce en quoi ils divergent. Allah ne guide pas celui qui est menteur et grand mécréant. » Dans le commentaire de l'Allama, l'imam Muhammad Aman, rahimahullah, المشركون الأولون الذين قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام يعلنون أنهم لا يعتقدون في هذه الآلهة شيئا من النفع والضر ولكن يريدون التقرب ليقربونا إلى الله زلفا وليشفعوا لنا عند الله. Donc par rapport à cette deuxième règle, il dit rahimahullah que les premiers associateurs, c'est-à-dire les associateurs avant l'islam, ceux d'avant l'islam, les premiers associateurs que notre prophète, alayhi salatu wassalam, a combattu, il disait clairement qu'ils ne croyaient pas que ces divinités puissent leur apporter quelconque profit ni repousser quelconque mal d'eux. Mais pourquoi ils les adoraient? Afin qu'ils les rapprochent d'Allah davantage et afin qu'ils intercèdent en leur faveur auprès d'Allah. Donc il croyait clairement que ces divinités qui étaient adorées en dehors d'Allah n'avaient pas la capacité par elles-mêmes de repousser d'eux un mal ou de leur apporter un bien. Mais c'était des intermédiaires entre eux et Allah Azza wa Jal, juste pour qu'ils les rapprochent d'Allah. Juste pour qu'il les rapproche d'Allah Azza wa Jal, comme nous allons les voir, parce que, soi-disant, ces divinités ont un statut auprès d'Allah important. Et c'est plus facile de passer par eux que d'aller directement vers Allah Azza wa Jal. C'est ça leur croyance. Mais ils savaient que ces intermédiaires n'avait pas une des caractéristiques d'Allah Azza wa Jal dans la seigneurie, uniquement des intermédiaires pour les rapprocher d'Allah. Et ça, c'est cité dans de nombreux versets. Les versets qui citent ce sens-là sont très nombreux dans le Coran. Si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils disent Allah. Qui pourvoit Allah, qui est le gestionnaire de l'univers, Allah. Pourquoi alors vous adorez ces divinités? Ce sont des intermédiaires qui nous rapprochent d'Allah. On ne les adore pas pour elles-mêmes. Et c'est pour ça, dans leur telbiya, qu'est-ce qu'ils disaient les mouchriquins dans leur telbiya? Ils disaient « Labbayk Allahumma labbayk, labbayk la sharika lak, illa sharikun huwa lak, tamlikuhu wa ma malak. » Ils disaient « At-telbiya » comme le mouahidin au début. Et ça, c'est parmi les choses qui leur sont restées de la religion d'Ibrahim alayhi salam. Car les Arabes étaient sur la religion d'Ibrahim alayhi salam. était sur le pur monothéisme, jusqu'à ce qu'un homme qui s'appelle Amr ibn al-Hayy al-Khuza'i, qui était un dignitaire de Quraysh parmi leurs nobles et qui était connu par le bien, avait fait un voyage dans Cham et les a trouvés, yani qu'ils adoraient les statues. Et il a bien aimé cette chose-là. Et il a ramené avec lui la première statue qui a été introduite dans la péninsule arabique, qui est Hubal. La première statue qui est entrée dans la péninsule arabique, c'est Hubal. Avant ça, il n'y avait pas l'adoration des statues dans la péninsule arabique. Et après, chaque tribu a pris sa propre statue. C'est pour ça, Hubal, c'était le plus vénéré de toutes leurs idoles, de toutes leurs statues. Et c'est pour ça, dans Talbiya, il disait « Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, labbaik a, yani soumis à toi, pas d'associé à toi ou à Allah, sauf un associé que tu possèdes, ainsi que tout ce qu'il possède. » C'est contradictoire ce qu'il disait, mais voilà ce qu'il disait. Tu n'as pas d'associé, sauf un seul associé. Mais cet associé, c'est toi qui le possèdes, il t'appartient. Comment c'est un associé à Allah alors que Allah, il appartient à Allah Azza wa Jalla? Ça vous démontre une chose que les savants répètent souvent. Ash-shirku dalilun ala qillati al-aql wa du'fi ar-ra'y wa ala as-sukhf. L'associationnisme, c'est un signe et c'est une preuve sur la stupidité du mushrik. Pour ça, Omar radiallahu anhu disait, nous prenons des statues que nous fabriquons de dattes. On les emmenait avec nous dans nos voyages, mais quand l'un d'entre nous avait faim, il mangeait sa divinité. Il disait également que dans leur voyage, ils prenaient trois pierres, deux pour allumer un feu et placer le récipient par-dessus, pour faire cuire quelque chose à manger, et la troisième pierre, pour l'adorer. Donc, shirk, c'est une humiliation, c'est un rabaissement, c'est une stupidité, wal'iyadu billah, qu'Allah nous en préserve. C'est une preuve de la faiblesse de l'esprit. C'est une preuve de la faiblesse de l'esprit de l'mushrik. يؤمنون بالله بأنه خالق السماوات والأرض وما فيهن ولكن الآلهة الصغار التي في الأرض فائدتها أنها شفعاء تشفع وتقرب هكذا قالوا. Ils croient en Allah. Ils croient en Allah. المشركين croyaient en Allah. Mais comme Salaf ont expliqué, ils croyaient en lui comme Seigneur. Ils prenaient des associés avec lui dans l'adoration. Ils croyaient en Allah qu'il est l'unique créateur, qu'il est le créateur des cieux et de la terre, ainsi que tout ce qu'elles contiennent, et que ces petites divinités sur terre, leur intérêt, en réalité c'est quoi ? C'est d'intercéder en leur faveur et de les rapprocher. Comme ça, il disait. فَدَلِيلُ الْقُرْبَةِ يريد الشيخ أن يقيم الدليل على القربة وعلى الشفاعة كل على حدة. Il a dit, la preuve sur le rapprochement, c'est-à-dire qu'il cherchait à travers ses divinités de les rapprocher d'Allah. Qu'il cherchait à travers ses idoles de les rapprocher d'Allah. La preuve sur cela, il dit Cheikh Mohamed Amar, rahimahullah, l'imam Mohamed ibn Abdel Wahhab, il veut nous donner un dalil sur le rapprochement ainsi que sur l'intercession. Chacun à part. Il va nous citer un dalil sur chaque point. Il y a ni les causes qui faisaient que les premiers associateurs adoraient ces divinités pour les rapprocher d'Allah et pour intercéder en leur faveur. قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى الآية أي حال كونهم قائلين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. Donc le verset, tandis que ceux qui prennent des protecteurs en dehors de lui disent nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. En vérité, Allah jugera parmi eux sur ce en quoi ils divergent. Allah ne guide pas celui qui est menteur et grand mécréant. C'est-à-dire, ils les adoraient afin qu'ils les rapprochent davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, pendant qu'ils les adorent, ils disent cela. C'est ça le prétexte qu'ils sortaient pour les adorer en dehors d'Allah. لاحظوا أنهم يعتبرونهم أولياء أي لهم الولاء والمحبة ولهم التعظيم هذا معنى الولاية ثم يعترفون أن ما يقدمون لهذه الآلهة عبادة. Il dit, il attire notre attention, rahimahullah, en disant, remarquez que ces associateurs, ils considéraient ces divinités comme des alliés d'Allah. C'est-à-dire qu'ils ont une alliance avec Allah Azza wa Jal et qu'ils ont de l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala et que Allah Azza wa Jal les aime également. Et qu'ils doivent être vénérés. Ça, c'est la signification de l'alliance. Et ensuite, ils reconnaissent que ce qu'ils leur vouaient, c'est une adoration. Que ce qu'ils vouaient à ces divinités, ils reconnaissaient que c'était une adoration. بخلاف ما يقع فيه الجهال اليوم لا يسمون ذلك عبادة. Contrairement aux ignorants contemporains, Il n'appelle pas ce qui est voué adoration. Tu vas trouver qu'il invoque le mort, entre parenthèses, pour vous expliquer, il invoque le mort. Il sacrifie une bête pour le saint, soi-disant l'allié d'Allah. Et quand tu lui dis ça c'est des adorations, il dit non, c'est pas des adorations. Moi j'adore Allah. Alors que ces adorations, l'invocation et le sacrifice, et ainsi de suite, il les voue à autre qu'Allah. Mais lui, il est tellement ignorant, il ne sait même pas que ça, c'est des adorations. Contrairement aux premiers associateurs. Parmi les Arabes, eux, ils savaient que ça, c'était des adorations. Mais pour eux, il n'y avait pas de mal à adorer ces idoles. Quand l'intention est bonne, soi-disant, les rapprocher d'Allah et intercéder en leur faveur. بل يغضبون لو قلت لمن يطوف بالضريح او يذبح الكبش على عتبة الشيخ لا تعبد الشيخ غضب ويقول كيف تقول لي لا تعبد الشيخ انا لا اعبد الا الله هذه ليست عبادة هذه هي محبة الصالحين سبحان الله. Regardez comment il dit رحمه الله. Contrairement à ce que font les ignorants de notre époque, ils n'appellent pas ça adoration. Au contraire, ils se mettent en colère quand tu dis à celui qui fait tawaf, qui fait des tours autour d'un mausolée, ou qui sacrifie un mouton devant la porte de son cheikh, tu lui dis n'adore pas cheikh. Il se met en colère. Il te dit comment tu me dis n'adore pas cheikh? Moi je n'adore qu'Allah. Ça c'est pas une adoration. C'est-à-dire faire tawaf autour du mausolée, sacrifier une bête devant la porte de Cheikh, il dit, moi je n'adore pas Cheikh. Ça c'est l'amour des vertueux, l'amour des pieux. C'est-à-dire pour lui ça c'est que, yani, une façon de manifester son amour pour les saints, et pour les pieux, et les vertueux. وَتَقُولُ لَهُ وَالطَّوَافُ بِالضَّرِيحِ مِنْ مَحَبَّةِ الصَّالِحِينَ سبحان الله تغيرت المفاهيم والعبادة سميت بغير اسمها إما جهلا أو تجاهلا. Tu lui dis faire des tours, faire des tawafs autour du mausolée, ça c'est l'amour, ça fait partie de l'amour des vertueux. سبحان الله. Comment les sens, comment la compréhension s'est altérée. L'adoration est appelée avec autre que son nom, ou bien par ignorance, ou bien exprès, comme si on ne savait pas. Ou bien ceux qui font ça, tu peux les diviser en deux catégories. Il y en a qui ne savent pas réellement. Ils ont grandi dans ça. Il a ouvert les yeux, il a trouvé ses parents, ses ancêtres sur cette pratique, et pour lui, c'est ça l'islam. La deuxième catégorie, c'est des gens qui savent. Et ça, c'est en général leur chouyour, ceux qui ont un profit matériel, un profit de dunya, un profit mondain, à travers leurs suiveurs et leurs adeptes. Ceux-là, ils savent que c'est un égarement. Mais il y a tellement d'intérêt pour eux, mondains, qu'ils ne sont pas prêts à changer. Inna Allah yahkumu baynahum fi ma hum fihi yakhtalifun. Hada liman yafqahu fihi wa'idun shadid. Wa hukmu Allah ta'ala adl. Man asa'a yantaqimu minhu adla. وَمَنْ أَحْسَنَ يُثِيبُهُ فَضْلًا. Allah ne guide pas. Allah jugera parmi eux sur ce en quoi ils divergent. Ça, pour celui qui a une compréhension, ça c'est une menace forte. C'est une menace forte de la part d'Allah Azza wa Jal. Allah, son jugement est juste. Celui qui fait le mal, Allah se vengera de lui, il sera châtié. Et celui qui fait le bien, Allah le châtiera, et ça c'est son équité, et sa justice. Et celui qui fait le bien, Allah le récompensera, et ça c'est son bienfait. Inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kaffar. Allah ne guide pas celui qui est menteur et grand mécréant. Humul mushrikoun, ce sont les associateurs. Les associateurs, c'est les menteurs et les grands mécréants. Wa dalil ash-shafa'ati qawluhu ta'ala ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. Et l'argument sur le fait qu'il leur demande l'intercession est dans la parole d'Allah Azza wa Jal, dans le sens approché, dans le sens approximatif du verset. Ils adorent au lieu d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire, ni leur profiter, et disent, ceux-ci sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Ils adorent au lieu d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire, ni leur profiter, et disent, ceux-ci sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Dans le commentaire de l'imam Muhammad Amar, rahimahullah, فالمشركون يعترفون بأن آلهتهم لا تضر ولا تنفع ولكن يقولون نعبدهم يعترفون بالعبادة لأنهم شفعاء لنا عند الله يعتمدون عليهم ويتوكلون عليهم في الشفاعة وأنهم شفعاء لهم. Les associateurs reconnaissent que leur divinité ne peut ni leur nuire ni leur profiter. Ils disent, malgré ça, ils disent, nous les adorons. Ils reconnaissent que ce qu'ils leur vouent, c'est une adoration. Nous les adorons pour qu'ils intercèdent en notre faveur auprès d'Allah. Ils placent leur confiance en eux. Et ils comptent sur eux afin d'intercéder en leur faveur. Donc ce sont leurs intercesseurs. هذا المعنى واقع كثيرا من جماهير الجهال يعتمدون على من يتبعونهم ويعتقدون فيهم النفع والضر ويعتمدون عليهم في الشفاعة تماما بل إن بعض كتبهم تنص على أن الشيخ سوف يحمل أتباعه على ظهره على الصراط يوم القيامة. Donc ce sens-là qui a été cité précédemment, tu le trouves répandu dans la masse, dans les ignorants de la masse. Ils comptent sur ceux qui les suivent. Ils croient qu'ils sont capables de leur profiter et de leur nuire. Ils placent leur confiance en eux d'une manière absolue afin qu'ils intercèdent. Tu trouves même dans les livres de certains parmi eux qu'ils citent d'une manière explicite que le cheikh portera ses suiveurs sur son dos et traversera avec le pont le jour du jugement dernier. Donc ils n'auront même pas besoin de traverser le pont. Le cheikh va les sauver. Et dans d'autres livres, ils disent, il y en a parmi leurs chouyours, qui ont dit, même si Allah te fait entrer en enfer, moi je viendrai et je te sortirai de l'enfer. Wal'iyadu billah. À quel point la personne peut descendre et tomber bas quand elle tombe dans shirk, wal'iyadu billah. Cheikh rahimahullah a dit, هذا توكل على غير الله واعتماد على غير الله وهو من الشرك الأكبر من من اعتمد على غير الله في الشفاعة فقد أشرك بالله الشرك الأكبر. Il dit que ça, c'est placer sa confiance en autre qu'Allah, c'est tawakkul sur autre qu'Allah, ça c'est compter sur autre qu'Allah, ça fait partie du shirk majeur. Celui qui compte sur autre qu'Allah dans l'intercession, alors il est tombé dans l'associationnisme, il est tombé dans le shirk majeur, il a donné à Allah des associés. C'est pour ça, shafa'a, ça se demande pas, entre parenthèses, shafa'a, ça se demande pas à une créature. Shafa'a appartient à Allah. قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا. Allah, il ordonne à son prophète, alayhi salatu wassalam, de dire à sa communauté que shafa'a, tout entière, appartient à Allah seul. Donc, tu la demandes à Allah. Tu la demandes pas à une créature. Tu demandes à Allah de permettre à une créature d'intercéder en ta faveur. Na'am. La chose, tu la demandes à celui qui la possède, à celui à qui ça appartient. Tu la demandes pas à quelqu'un à qui ça n'appartient pas. Et comme vous le savez, Al-Nabi alayhi salatu wassalam, dans le jour du jugement dernier, il va venir, il va se prosterner dans le trône, devant le trône d'Allah Azzawajal. Il va louer Allah Azzawajal d'une manière qu'il ne connaît pas encore dans le dunya, et que Allah Azzawajal lui enseignera ce jour-là. Il va le louer tellement longtemps, et il va continuer jusqu'à ce que Allah Azzawajal lui autorisera de lever sa tête et d'intercéder. Il n'intercédera pas de lui-même directement, jusqu'à ce qu'Allah Azzawajal, il va lui permettre, il va lui dire, « Ya Muhammad, irfa' ra'sak, wasal tu'ta, washfa' kishaffa'. » Demande, tu seras exaucé. Il lui dira, Allah Azzawajal, « Oh Muhammad, lève ta tête, et demande, tu seras exaucé, et intercède, ça te sera accordé. » والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. Il dit رحمه الله, il y a deux intercessions. L'une est niée et l'autre est confirmée. Celle qui est niée, c'est celle qui est demandée à un autre qu'Allah Azzawajal pour une chose que seul Allah est capable de faire. Et ceci est cité dans le verset, dans le sens approximatif. Ô les croyants, dépensez de ce que nous vous avons attribué avant que vienne le jour où il n'y aura ni rançon, ni amitié, ni intercession. Et ce sont les mécréants qui sont les injustes. Il dit, rahimallah, dans le commentaire, الذين يطلبون الشفاعة من غير الله يحسبون أن هؤلاء شفعاء يشفعون من عند أنفسهم دون الرجوع إلى الله. Ceux qui demandent l'intercession à autre qu'Allah, ils croient que ces intercesseurs peuvent intercéder d'eux-mêmes sans revenir vers Allah, sans la permission d'Allah. Ils croient que eux-mêmes possèdent la shafa'a, l'intercession. C'est pour ça qu'il leur demande, dès maintenant, d'intercéder en leur faveur. Ils disent, « Ô Sidi Antel, Ya Sayyidi Fulan, Ishfa'lana Yawm Al-Qiyamah. » Ils disent, « Ô Sidi Antel, Ô mon maître Antel, » en parlant de son shaykh ou de celui en qui il croit, intercède en ma faveur le jour du jugement dernier. وهم يعتقدون أن الأنبياء والصالحين يشفعون من عند أنفسهم وأنها حق لهم ولا يعلمون أن الشفاعة حق لله أو يعلمون ولكن منعهم من قبول الحق غلوهم في الصالحين وإنزالهم منزلة رب الرب سبحانه وتعالى وصرفوا لهم العبادة فهذا شرك مخرج من الملة وهذه الشفاعة هي الشفاعة المنفية التي نفاها القرآن الكريم. Donc ils croient que les prophètes et les vertueux intercèdent d'eux-mêmes et que l'intercession est un droit des prophètes et des vertueux. Et ils ne savent pas que l'intercession est le droit, appartient à Allah. Ça appartient à Allah seul. Ou bien ils savent, mais l'exagération au sujet des vertueux et le fait de les élever au statut du Seigneur subhanahu wa ta'ala et de leur vouer des adorations les a empêchés d'accepter la vérité. Donc croire ça, c'est un associationnisme, c'est un acte d'associationnisme qui fait sortir de la religion. Et c'est ça l'intercession qui est niée, que le Coran a nié et que le Coran a réfuté. La shafa'a qui est réfutée dans le Coran, c'est celle-là. En résumé, c'est celle qui est demandée à autre qu'Allah, dans les choses où il n'y a que Allah qui en est capable. والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون قد غلط بعض علماء الكلام فأخذوا ظاهر هذه الآية وهذا الإطلاق ولم يوفقوا بأن يقيدوا هذه الشفاعة المنفية بالشفاعة المثبتة في الآيات الأخرى. Ensuite, il a cité le verset. Ô les croyants dépensés de ce que nous vous avons attribué, avant que vienne le jour où il n'y aura ni rançon, ni amitié, ni intercession. Certains parmi les savants de l'Kalam, tels que l'Asha'ira, l'Maturidiya, certains parmi eux se sont trompés. Et ils ont pris le sens apparent de ce verset et ils l'ont compris d'une manière absolue. Et de cette manière, ils ont pris le sens apparent d'une manière absolue. Et ils n'ont pas compris ce verset avec les autres versets qui affirment l'intercession. Ils ont pris uniquement ce verset qui nie toute intercession. Donc ceux qui ont compris ce verset de manière absolue, à savoir le verset qui nie la shafa'a, c'est Al-Mu'tazila et Al-Khawarij. Ils disent c'est pas possible qu'il y ait une intercession. Ils ne croient pas en l'intercession. Ils rejettent tous les textes qui démontrent qu'il y a une intercession, tout en se basant sur les versets dans lesquels la shafa'a est niée. Mais comme on l'a compris, la shafa'a qui est niée, c'est la shafa'a qui est demandée à autre qu'Allah, dans les choses où Allah seul est capable. أصحاب الكبائر لا شفاعة لهم بل يدخلون النار مخلدين لارتكابهم الكبائر ولو كان في قلوبهم إيمان. والشيخ رحمه الله يقرر معتقد أهل السنة أهل الوسطية بين المثبتين للشفاعة حتى للأنبياء والصالحين وغيرهم من دون إذن الله وبين الخوارج الذين ينفون الشفاعة لأصحاب الكبائر والمعاصي. Donc les خوارج المعتزله il nie qu'il puisse y avoir une shafa'a le jour du jugement dernier. Ils disent il n'y a pas d'intercession. C'est pour ça, pour eux, ceux qui meurent en ayant commis des grands péchés sans repentir, pour eux, ils ne peuvent jamais bénéficier de l'intercession. Et ils seront éternisés en enfer, ils disent. Même si ce sont des croyants, le fait d'avoir, le fait d'être mort avec des grands péchés desquels il ne s'est pas repenti, pour eux, ça lui coûte l'éternité en enfer. Et ça, c'est faux, bien évidemment. Et l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab, ici, il nous donne la croyance de Al-Sunnah al-Jama'a par rapport à ce point, par rapport à l'intercession, qui est le juste milieu entre les deux extrémités, qui est la guidée entre les deux égarements. L'égarement de ceux qui attribuent la shafa'a aux prophètes, aux vertueux, et ainsi de suite, sans la permission d'Allah. Ils disent que Cheikh, il peut intercéder en ta faveur, même si Allah il le permet pas. Il n'y a pas besoin de la permission, car ça lui appartient, c'est un droit, c'est son droit. Donc ceux-là qui ont exagéré dans l'affirmation, et les autres qui ont exagéré dans la négation. Et ils ont dit, il n'y a pas de shafa'a possible de manière absolue. Et al-Sunnah al-Jama'a, ils disent, il y a une shafa'a, mais avec la permission d'Allah, pour celui qu'Allah a agréé. Comme nous allons le voir quand Cheikh va parler de la deuxième catégorie. Il a dit, وَالشَّفَاعَةُ الْمُثْبَتَةُ هِيَ الَّتِي تُطْلَبُ مِنَ اللَّهِ وَالشَّافِعُ مُكَرَّمٌ بِالشَّفَاعَةِ وَالْمَشْفُوعُ لَهُ مَنْ رَضِيَ اللَّهُ قَوْلَهُ وَعَمَلَهُ بَعْدَ الْإِذْنِ كَمَا قَالَ تَعَالَى مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ. Donc l'intercession confirmée est celle qui est demandée à Allah et dont l'intercesseur a reçu l'honneur d'intercéder et dont Allah est satisfait des paroles et des actes de celui pour qui on intercède. Et elle ne se fait qu'après la permission d'Allah. Comme Allah Azza wa Jalla l'a dit dans le sens approximatif du verset, qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? قال الشيخ dans le commentaire, Cheikh Mohammed Amar, rahimahullah, فالشافع الشخص الذي يشفع مكرم من الله سبحانه وتعالى يكرمه بأن يجيب دعوته وينفع العباد بدعوته وشفاعته وفي مقدمتهم سيد الشفعاء محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc الشافع, celui qui intercède, c'est une personne qu'Allah honore. Allah l'honore le jour du jugement dernier en exauçant son invocation, en faisant profiter aux serviteurs de son intercession, en lui permettant d'intercéder. Donc quand Allah permet à un serviteur d'intercéder en faveur d'autres, ça c'est une façon de l'honorer et de montrer à toutes les créatures son estime et son statut auprès d'Allah. Et à la tête de ceux qui intercéderont, le maître des intercesseurs, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad le messager d'Allah, alayhi salatu wa sallam. مكرمون بهذه الشفاعة الله يكرمهم بأن يأذن للشفعاء يشفعوا لعباده تفضلا منه سبحانه وتعالى وحكمة دقيقة لا تدرك. Donc Allah عز وجل va les honorer, ces intercesseurs, en leur permettant d'intercéder en faveur de ses serviteurs, pur bienfait de sa part, et pour une sagesse minutieuse qu'on ne peut atteindre, qu'on ne peut comprendre. والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن أي لا تقع الشفاعة من الشافعين أي تقع الشفاعة من الشافعين بعد الإذن من الله شريطة أن يكون المشفوع له ممن رضي الله قوله وعمله أن يكون من الموحدين. Donc celui en faveur de qui sera faite l'intercession, la condition de celui qui profitera de la condition, c'est qu'Allah soit satisfait de ses paroles et de ses actes après la permission d'Allah. C'est-à-dire que shafa'a ne peut avoir lieu qu'après la permission d'Allah, à condition que celui à qui ça profitera soit parmi ceux dont Allah Azzawajal est satisfait de leurs paroles et de leurs actes, c'est-à-dire qu'ils soient parmi al-muwahhidin, qu'ils soient parmi les monothéistes, car shafa'a ne profite pas aux associateurs. Shafa'a ne profite pas aux associateurs, ça c'est la règle. Ça c'est la règle. Il n'y a pas de shafa'a en faveur d'un associateur. Il n'y a pas de shafa'a en faveur d'un mushrik. Al-mushrik, tout mushrik, tout kafir s'éternisera en enfer, wal'iyadu billah. Et jamais un mushrik ne sort de l'enfer. Shafa'a ne profite qu'à un mouahid pour sortir de l'enfer et pour ne pas s'éterniser en enfer. Par contre, shafa'a, entre parenthèses, de notre prophète en faveur de son oncle, Abu Talib, c'est la seule de ce genre. C'est la seule shafa'a qui profitera à un mushrik. Et pourtant, ça ne lui permettra pas de sortir de l'enfer, uniquement d'alléger son châtiment en enfer. Il aura le moindre châtiment en enfer, et pourtant lui, il ne s'imagine pas qu'il puisse exister un châtiment pire que le sien. Qu'Allah nous en préserve du châtiment de l'enfer. Le moindre châtiment, pourtant il ne s'imagine pas qu'il puisse exister un châtiment pire. Et ça, c'est pour augmenter le châtiment du kafir. C'est qu'il ne voit pas ceux qui sont plus durement châtiés que lui. Il y en a, ça va l'alléger en quelque sorte. Il ne les voit pas. Comme le mu'min au paradis, il ne voit pas ceux qui sont à des degrés plus élevés que lui. Afin qu'il n'ait pas de hasra. Qu'il n'ait pas yani, de regrets. Et qu'il ne soit pas touché par une tristesse. Il ne voit pas ceux qui sont au-dessus de lui. والشفاعة لا ينالها إلا المخلصون. سأل أبو هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة. هذا سؤال عظيم علق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الإجابة عليه. قال لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. Donc الشفاعة ne bénéficie qu'aux sincères, ne bénéficie qu'à ceux qui sont sincères, qu'à ceux qui vouent un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Huraira radiallahu anhu a interrogé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, ô messager d'Allah, qui sont les gens qui auront le plus de chance de profiter de ton intercession le jour du jugement dernier? Ça, c'est une question immense dans son importance. Avant de répondre à cette question, le prophète alayhi salatu wassalam a donné un commentaire. Il a dit: je savais, ô Abu Huraira, que personne ne me posera cette question avant toi, tellement j'ai vu ton attachement au hadith, tellement j'ai vu ton attachement à la science et ton avidité de la science. لأنه يعلم أنه يحب العلم كثيرا ويحب الحديث كثيرا. بعد هذا التعليق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. النبي عليه الصلاة والسلام savait son amour, l'amour de Abu Huraira رضي الله عنه pour la science et pour le hadith. Et après ce commentaire, le messager d'Allah alayhi wa sallam a répondu en disant: ceux qui auront le plus de chance de profiter de mon intercession le jour du jugement dernier, c'est celui qui dit la ilaha illallah sincèrement de son cœur. Sincèrement de son cœur, c'est-à-dire qu'il ne contredit pas sa parole, qui ne contredit pas ce qu'il dit avec sa langue, avec ce qu'il croit dans son cœur. Et inversement également. C'est-à-dire qu'il ne parle pas avec tawhid, alors qu'il dans son cœur il y a shirk. Et inversement, qu'il ne parle pas avec shirk, alors que dans son cœur il y a tawhid. Il faut réunir les deux. Nos paroles et nos actes, c'est tawhid. C'est ça le muwahhid. C'est celui-là qui a dit la ilaha illallah sincèrement de son cœur. C'est celui-là qui aura le plus de chance de profiter de l'intercession de notre prophète, alayhi salatu wassalam, le jour du jugement dernier. Wa ba'du an-nas yuhibbu ash-shafa'a wa yuhibbu an yanalaha fa yasta'jilu wa yatlubuha mimman la yamlikuha. فيقع في موانع الشفاعة استعجالا منه وجهلا. Et certains parmi les gens aiment l'intercession, aiment en profiter. C'est pour ça qu'ils se précipitent à la demander à celui à qui ça n'appartient pas. Et ainsi ils tombent dans ce qui l'empêche de profiter de shafa'a. Par précipitation et par ignorance. وأعظم موانع الشفاعة الشرك يشرك بالله فيطلب الشفاعة التي هي ملك لله يطلبها ممن لا يملكها ويعتمد على هذا المخلوق الذي لا يملك شيئا. Et parmi les choses qui l'empêchent de profiter de الشفاعة, de l'intercession, parmi les grands empêchements et parmi les points qui sont des obstacles entre lui et l'intercession, c'est l'associationnisme, c'est shirk, associer à Allah en demandant l'intercession qui appartient à Allah seul. Il la demande à celui à qui ça n'appartient pas et il compte sur cette créature qui ne possède rien en réalité. Ashraful khalqi وأفضل الخلق على الله وأكرم العباد عند الله هو محمد رسول الله عندما يشفع الشفاعة العظمى بعد الهول الشديد والحيرة التي تصيب الناس فيتقدمون إليه لطلب الشفاعة ليريحهم الله فيبدأون بآدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى عليهم السلام وكل رسول من هؤلاء يقول لا لست لها نفسي نفسي وكل يعلن بأن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. La plus noble de toutes les créatures et la meilleure de toutes les créatures auprès d'Allah Azza wa Jal, c'est Muhammad, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, quand il va intercéder la grande intercession. La grande intercession, après les difficultés par lesquelles, dans lesquelles seront les gens dans le jour du rassemblement, ils vont aller vers Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander l'intercession. Pour lui demander l'intercession afin qu'Allah azzajal commence le jugement. Tellement c'est pénible pour eux de rester dans l'attente. Et pour ceux qui sont dans un châtiment, en plus de cette attente qui est un grand, qui est une grande épreuve. T'es dans l'attente, tu sais pas ce que sera ta destinée finale. Tu vois devant toi le paradis, tu vois l'enfer, mais tu sais pas vers quelle demeure tu vas aller. Sauf ceux à qui Allah Azzawajal donnera la sérénité. Sauf ceux pour qui Allah Azzawajal donnera la sérénité. Parmi ceux qui seront à l'abri des difficultés de ce jour-là. Entre autres, les sept qui seront sous l'ombre du trône d'Allah Azzawajal. Ce jour où il n'y aura pas d'ombre sauf celui-là. Mais avant d'aller vers Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander l'intercession, ils vont aller tout d'abord vers Adam alayhi salam. Ensuite, ils vont aller vers Nuh. Ensuite, ils vont aller vers Ibrahim. Ensuite, ils vont aller vers Moussa. Et ensuite, Isa alayhi salatu wa salam, tous. Et chacun de ces messagers, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire non. Ça ne m'appartient pas. Il va refuser. Et chacun d'entre eux va citer une excuse. Sauf Isa alayhi salam, qui citera pas d'excuses, mais qui va les renvoyer vers Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et chacun d'entre eux, il va dire, mon âme, c'est-à-dire m'a sauvé, m'a sauvé. Et chacun d'entre eux dira également qu'Allah azzajal ce jour-là, il s'est mis dans un état de colère, dans lequel, il y a un état de colère, dans lequel il n'a jamais été en colère pareil avant ni après. L'état de colère maximum dans lequel sera Allah Azzawajal, c'est ce jour-là. Allah n'a jamais été en colère avant ni après de la même manière. Et entre parenthèses, l'état de colère, c'est un état réel, comme il convient à la grandeur et la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme est la règle de Al-Sunnah al-Jama'a dans les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et non pas comme disent les falsificateurs, les égarés, ils disent que quand ils lisent des textes comme ça, Allah il se met en colère, ils disent Allah il châtiera. Ça c'est l'effet de l'attribut d'Allah qui est la colère ici. L'effet de la colère d'Allah, c'est châtier celui contre lequel il est en colère. Mais la colère, c'est pas le châtiment. La colère, c'est un attribut réel d'Allah Azzawajal, comme il convient à sa grandeur et sa majesté. Je ferme la parenthèse. وفي الحديث إثبات صفة الغضب لله تعالى عن جميع الأنبياء بدءا بآدم عليه السلام إلى أن ينتهي الدور إلى سيد الشفعاء محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول أنا لها لأن الله أعلمه بذلك. Et dans ce hadith, l'attribut, l'affirmation de l'attribut de la colère pour Allah Azza wa Jalla de tous les prophètes. Tous les prophètes, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent Allah il se met en colère. Et les falsificateurs, ils viennent, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent non, Allah ne se met pas en colère. Mais Allah il châtie. Na'oudhu billah. Celui qui falsifie le sens, qu'est-ce qu'il dira à Allah Azzawajal? Allah lui dira dans le Coran, j'ai dit que je me mets en colère. tous les prophètes, sans exception, tous les prophètes, à savoir Ulul Azm, les cinq vers lesquels s'orienteront toutes les créatures pour qu'ils intercèdent en leur faveur, tous ils vont dire, ils disent, Allah il se met en colère. Et toi, pourquoi tu dis Allah il ne se met pas en colère? Qu'est-ce que tu vas sortir comme argument devant Allah s'il te pose cette question, comme on dit salaf? Mais par contre, celui qui dit Allah, il se met en colère, si Allah lui dit « Pourquoi tu m'as décrit par la colère ?» Il lui dit « Ah Allah, j'ai lu dans le Coran que tu t'es décrit par la colère. Et j'ai lu que tes prophètes t'ont décrit par la colère. Et je t'ai décrit par la colère de la façon qui convient à ta grandeur et ta majesté. » Et non pas comme la créature se met en colère. Jusqu'à ce qu'ils finissent et que le tour arrive au maître des intercesseurs qui est Muhammad, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dira « C'est pour moi ». Pourquoi il dira ça? Il dit « Cher, parce que Allah l'avait informé auparavant que celui qui va intercéder la grande intercession, c'est ça la grande intercession. « Fa'idha qal, ana laha kayfa yashfa, yasta'vin » وطريقة الاستئذان أن يسجد لله سجدة طويلة ويدعه الله سبحانه وتعالى في سجوده فترة طويلة فيفتح الله عليه من أساليب الثناء والمدح وتعظيم الله في هذا السجود سجود الشفاعة ما لا يستحضره قبل ذلك وبعد هذا السجود الطويل يقال لسيد الشفعاء يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فيحد لي حدا أي مجموعة من الناس فيريحهم من هول الموقف ثم يسجد مرة أخرى كالسجود الأول فيقال له ما قيل في السجود الأول فيحد له حدا مرة ثانية وهكذا تتكرر هذه الشفاعة ثلاث مرات. Donc comme on a vu, le prophète عليه الصلاة والسلام, il va intercéder, d'accord, mais comment il va intercéder? Il va demander la permission à Allah de pouvoir intercéder en se prosternant une longue prosternation et en invoquant Allah et le louant longuement d'une manière que Allah Azza wa Jalla lui permettra de savoir ce jour-là. Et que dans le dunya, il disait qu'il ne connaissait pas encore. Et après cette longue prosternation, qui est la prosternation de l'intercession, on dira au maître, Allah dira au maître des intercesseurs, qui est le prophète alayhi salallahu alayhi wa sallam, il lui dira, ô Muhammad, lève ta tête, demande, tu seras exaucé, intercède, l'intercession te sera accordée. Et le Nabi alayhi salallahu alayhi wa sallam, il a dit, Allah me déterminera un groupe de gens. Et ces gens-là, son intercession sera une cause pour eux de se reposer de la difficulté de l'attente. Et ensuite, il se prosternera de la même manière, il répétera ça une deuxième fois. Allah Azza wa Jalla lui déterminera un groupe de gens qui profiteront de cette deuxième intercession. Vous voyez, Allah lui permet et Allah lui détermine pour qui il intercédera. Et il répétera ça une troisième fois également. Donc cette intercession, elle se répétera trois fois. لنعلم بأن الشفاعة كلها ملك لله لا يجوز أن تطلبها الآن من رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن غيره من باب أولى ألا تطلب منه. Pourquoi tout cela? C'est pour qu'on sache que l'intercession appartient à Allah seul. Toute l'intercession appartient à Allah seul. Il n'est pas autorisé, il n'est pas permis de la demander au jour d'aujourd'hui au messager alayhi salatu wassalam et à ceux qui sont inférieurs dans le statut, dans le degré que le prophète alayhi salatu wassalam, il est plus à même de ne pas leur demander l'intercession. وهذه العبارة يستصعبها العاطفيون الذين يظنون أنهم وحدهم هم الذين يحبون رسول الله. Et quand tu dis, tu parles de cette manière, tu parles avec ces expressions, ceux qui sont les sentimentalistes, ceux qui sont sentimentaux, ceux qui fonctionnent avec les sentiments, peut-être qu'on dit les sentimentalistes, pensent que eux, c'est les seuls qui aiment le prophète alayhi salatu wassalam. Et tellement ils aiment le messager alayhi salatu wassalam, ils pensent qu'ils peuvent lui demander toutes choses. Même les choses qui ne se demandent qu'à Allah azza wa jalla, y compris l'intercession. Est-ce qu'il y a une ignorance plus grave que cette ignorance? C'est parce que tu aimes le prophète alayhi salatu wassalam, tu l'élèves au degré d'Allah, tu lui demandes ce qui ne se demande qu'à Allah, tu lui demandes des choses que le prophète alayhi salam, il déteste que tu lui demandes. Tu lui demandes des choses qui te font tomber dans l'acte le plus criminel qui a déjà existé sur terre, qui est shirk. Tu lui demandes des choses que lui-même il a été envoyé pour combattre. Sa mission principale, c'est de combattre shirk avant de combattre les péchés. La mission principale de tous les prophètes et les messagers, c'est de réformer les gens au niveau de l'aqida. Tout d'abord, avant le reste. Et toi, tu demandes ça sous prétexte que t'aimes le prophète alayhi salatu wassalam, et subhanallah, shaytan, il fait voir à ces gens-là que eux, ils aiment le prophète alayhi salatu wassalam plus que les autres. Et les gens qui tiennent le discours comme celui que nous a cité Cheikh ici, il dit cela n'aime pas le prophète en réalité. Wallahi, c'est Al-Sunnah wal-Jama'a qui aime le prophète le plus et qui l'aime en plus que leur amour, c'est l'amour le plus grand pour leur prophète. Wallahi, c'est l'amour que le prophète aime. C'est l'amour légiféré. C'est l'amour conforme au texte. C'est l'amour qu'Allah aime. Et c'est pour ça que tu trouves que Al-Sunnah wal-Jama'a, ils essayent de suivre le prophète alayhi salatu wassalam. Dans les détails les plus minutieux, ils essaient de suivre le prophète dans les détails les plus minutieux dans toute leur vie, dans toutes leurs adorations. Ils essaient de se conformer à sa sunnah, alayhi salatu wassalam. Al-qa'ida al-thaniya mulakhasuha 'ibadatu al-mushrikin li-alihatihim kanat min qabil al-wasata wash-shafa'a la li-anna alihatahum takhluqu aw tarzuq aw tadurru aw tanfa'. هذا ملخص ما جاء في القاعدة الثانية. وأما مشركي زماننا فإن شركهم تعدى الشرك في الألوهية إلى الشرك في الربوبية، حيث يدعون أن للولي أو للشيخ أو الشيخ تصرفا في الكون والنفع والضر. Et pour finir, Cheikh Rahimallah, Cheikh Mohamed Aman, il nous résume cette deuxième règle. Le résumé de cette règle, c'est quoi? C'est que l'adoration des associateurs pour leurs idoles et pour leurs divinités était en cherchant leur intercession et en cherchant leur intercession auprès d'Allah. Non pas parce que leurs divinités et leurs idoles pouvaient créer ou pourvoyer la subsistance ou repousser Ali parce qu'elles pouvaient nuire ou profiter, ou parce qu'elle pouvait leur nuire ou leur profiter de quoi que ce soit. Ça, c'est le résumé de la deuxième règle. Contrairement aux associateurs contemporains, les associateurs de notre époque, ceux qui se disent musulmans et qui tombent dans leur shirk, ils dépassent le shirk dans la divinité. Donc, le mushrikin, Ils avaient du shirk dans l'adoration, mais pas dans la seigneurie. De ceux de notre époque, ils ont du shirk dans la seigneurie et du shirk dans la divinité. Ils prétendent que le saint, l'allié d'Allah, soi-disant, ou le shaykh, il a un pouvoir dans l'univers. Il a un pouvoir de gérer l'univers. Il peut être profitable comme il peut te nuire. Fin de la parole du shaykh. Et c'est pour ça, comme nous ont cité les savants, les exemples de ceux, quand tu lui demandes de jurer par Allah, il ne trouve pas de mal à jurer par Allah sur un mensonge. Mais si tu lui dis jure par al-Badawi, jure par al-Jilani, jure par al-Tijani ou autre parmi leurs chouyours, il ne peut pas. Il a peur de la représaille, il a peur du châtiment de ce cheikh. Wal-iyadu billah. Qu'Allah nous en préserve de tomber dans shirk, majeur comme mineur. Qu'Allah nous raffermisse dans tawhid et qu'Allah nous accorde l'accrochement et le cramponnement à la sunna de notre noble prophète alayhi salatu wassalam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.